Go, go, la review d'Ipress JB. Toute l'actu du jeu vidéo chaque matin dans tes oreilles. C'est pas sexy choucroute ça? Y'a pas mieux pour frétiller comme des petites truites. Comme des petites truites. La revue de presse JV. Maison de qualité depuis 2017. Et ouais. Plus stimulant que ton café et meilleur pour la santé. Bonjour à toutes et tous, nous sommes le vendredi 18 et non pas 18, attention c'est important, 18 janvier, bienvenue dans la revue de presse JV, votre podcast quotidien qui vous parle de jeux vidéo, oui, chaque matin. Le vendredi, les habitués connaissent un petit peu la petite souplette du vendredi, c'est le vendredi relax. Alors, vendredi relax, Kezako, eh ben, c'est une émission sans jingle, d'un seul tenant, voilà. Relax quoi, je peux pas dire mieux, à la bonne franquette, pour terminer la semaine, souplement, simplement, en mode détente, quelque part. J'espère que vous allez bien, que la semaine qui vient de s'écouler avec la revue de presse JV bah, vous a plu. Au niveau du front de la revue de presse JV, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ce week-end, normalement, la grande revue de presse JV, la nouvelle, arrive enfin, et nous nous sommes engagés à tenir vraiment le rythme hein, d'une grande revue de presse JV par mois. Je rappelle ce qu'est la grande revue de presse JV, c'est-à-dire qu'avec des tipeurs, on enregistre une grande émission. Et là, la thématique, c'est nos jeux préférés de 2018, pardon, nos déceptions, etc. Alors, on arrive un petit peu après la guerre, mais c'est bien aussi d'analyser un peu plus à froid, de revenir après tous les tops, tous les machins, toute l'effervescence de tous ces sites qui vous ont fait les listes de leur GOTY, etc. Nous, on a eu le temps de mieux digérer, hein, un peu à l'image de la dinde de Noël, on a eu le temps vraiment de digérer tout ça, et je pense d'amener un avis un peu plus posé. Voilà, ça va arriver. Je suis en train de préparer aussi la prochaine revue de presse rétro hein, sur Resident Evil 2. Revue de presse rétro, vous le savez, il y en a déjà une trentaine de disponibles pour les tipeurs et il y en aura une nouvelle par mois. Et donc ça va, là normalement, arriver avant la fin du mois, celle sur Resident Evil 2. On va aussi organiser avec Natacha, qui est la monteuse de l'émission, mais qui va aussi s'occuper de pas mal de petites choses autour de la revue de presse JV. On est en train de vous préparer un concours mensuel pour gagner des belles choses à lire. Voilà, je peux pas vous en dire plus pour le moment, c'est en train de se faire. Mais voilà, et donc ça bouge. Et ce matin, le sujet que j'ai retenu pour ce vendredi relax, c'est le président de Nintendo, hein, le jeune président de Nintendo, le récent président de Nintendo, Shuntaro Furukawa. Alors je vais pas revenir, hein, on en a déjà parlé en plus dans l'émission, hein, je crois qu'on a fait partie des premiers à vous en parler, messieurs, dames, oui, sur le fait qu'il essayait d'anticiper un petit peu le futur du business des consoles et qu'il s'autorisait à penser que pourquoi pas un jour Nintendo arrêterait les consoles. Vous le savez, ça fait tout un tatamar. Je ne vais pas vous faire un sujet hyper racoleur en vous disant « Apple va racheter Nintendo, ça va se passer demain, tremblez dans vos chaussettes ». Non, je vais vous parler donc du président Furukawa qui évoque les ventes de la Switch, l'avenir de la 3DS et le marché chinois. Tout cela, ça a été rapporté par le site, un des sites en tout cas de référence hein, sur l'actu Nintendo, Nintendo Différence, hein, j'en parle très souvent dans cette émission, qui nous explique donc qu'en poste, hein, depuis le départ de Monsieur Kimishima le 26 avril 2018, l'actuel président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a répondu il y a quelques jours de cela aux questions du quotidien Kyoto Shimbun. Et donc Monsieur Furukawa revient entre autres hein, sur la barre des 20 millions de Switch à trouver acquéreur d'ici la fin de l'exercice fiscal en mars, du besoin de flux importants de jeux pour la console hybride, des smartphones, du marché chinois ou encore de l'avenir de cette bonne vieille 3DS. Quelle est vigoureuse cette 3DS, non? Le tout a été traduit du japonais à l'anglais par l'équipe de Nintendo Everything, et voici donc la traduction effectuée par Nintendo Différence, et je tenais encore ce matin à saluer leur travail vraiment exceptionnel. C'est un site, si vous êtes fan de Nintendo, chaque news est quasiment un dossier, c'est hyper complet, c'est hyper détaillé, c'est fait avec un sérieux vraiment qui force le respect. Donc bravo encore à eux, je les salue, je ne sais pas s'ils m'écoutent, mais en tout cas je les salue. Chaleureusement, bien évidemment. Donc, première question, donc de ce quotidien japonais, qui demande au président Furukawa, pensez-vous que 20 millions de Switch seront vendus d'ici la fin de l'exercice fiscal, donc qui est en mars, hein, je le rappelle. Le président de Nintendo nous répond « Ce n'est effectivement pas un objectif facile à atteindre. Nous allons donc examiner de près les tendances de la fin 2018 et du début de 2019. Nous allons bientôt entamer notre troisième année de commercialisation de la Switch et l'effet de surprise, le côté nouveau de la console, commence à s'estomper. Il est donc crucial pour nous de publier un flux régulier de jeux. Nous voulons aussi toujours insister sur les différentes configurations proposées par cette console hybride et sur le fait qu'il est possible d'y jouer n'importe où. » Alors, on spécule ici et là, là je fais ma petite parenthèse, hein, sur un modèle de Switch un petit peu plus-plus, hein, comme l'avait fait Nintendo par le passé, notamment pour ses DS, hein, ses 3DS, alors peut-être un modèle un petit peu différent, mais qui doit absolument être compatible, je pense, au niveau des Joy-Con, etc. On verra. Je pense que ça doit être dans leur, comme dans leur projet, peut-être pas pour cette année. Bref, qui vivra verra, comme on dit. Autre question du quotidien. Vous avez récemment mélangé l'univers du jeu mobile de Pokémon Go avec celui de la Switch et Pokémon Let's Go. Et oui, le président Furukawa répond, les smartphones bénéficient de leur propre style de jeu. Nous n'avons pas l'intention de faire en sorte que les titres sur Switch proposent les mêmes expériences que ceux sur smartphone, ou inversement. Notre objectif est d'intéresser au maximum le public aux personnages de l'univers Nintendo et d'accroître notre base de fans. Cependant, les jeux mobiles sont différents sur ceux des consoles. Il ne s'agit pas de mettre les priorités sur les ventes de ces titres, mais plutôt de fournir régulièrement davantage de contenu une fois le jeu publié. Cette amélioration constante de jeu engendre un flux de revenus stable. Bon, ça, je vais pas vous refaire un cours sur le modèle économique du jeu mobile. Vous ne le savez que trop bien, bien sûr. Donc, il nous dit que Nintendo va poursuivre la production de 2 ou 3 jeux mobiles par an. Concernant Nintendo Labo, on lui demande quel bilan il tire, donc le président de Nintendo, de cette expérience. Il nous dit, monsieur le président, Nintendo Labo ne s'est pas aussi bien vendu que nos autres jeux à succès, mais nous avons enregistré une augmentation à la fin de l'année. Il existe encore de nombreuses façons d'expérimenter le labo. Nous travaillons d'ailleurs sur de nouvelles propositions afin d'augmenter son attrait. Quels sont les projets, lui demande-t-on, pour votre console portable, la Nintendo 3DS? Et monsieur Furukawa répond, le cycle de la vie de la 3DS atteint bientôt les 8 ans. Et oui, 8 ans déjà quand même, hein, c'est incroyable. La console bénéficie d'un parc d'utilisateurs confortable. Elle a aussi l'avantage de constituer un dispositif simple et léger, mais également relativement peu coûteux. Nous prévoyons de poursuivre notre activité sur la 3DS. Nous l'avons d'ailleurs déjà préparée à exister aux côtés de la Switch. Donc, bah, fan de la 3DS, ça fera plaisir à mon fiston. Il y a encore des jeux qui vont arriver, hein. Voilà. Et visiblement, Nintendo ne compte pas l'abandonner de sitôt. Alors, comment peut-on analyser cette déclaration? Est-ce que vraiment il y a une intention de sortir encore beaucoup de jeux? Ou alors, comme ces derniers temps, un petit jeu par-ci par-là, beaucoup de portages, etc. On verra. En tout cas, la mort de la 3DS n'est pas encore annoncée. Concernant l'e-sport, Furukawa nous dit « L'enthousiasme pour ce sujet est clair. Les principes fondamentaux de la compétition grisante et du spectateur excité sont en phase avec notre manière de créer des jeux. Nous souhaitons attirer un large éventail de joueurs, quelle que soit l'expérience. » Ça, c'est important de le préciser. Nous parrainons donc de nombreux événements et conventions de jeux au Japon et à l'étranger. L'année dernière, par exemple, nous avons organisé pour la première fois 2 grands événements à Kyoto et à Tokyo, baptisés Nintendo Live. Il ajoute, notre intention n'est cependant pas de n'organiser que des manifestations énormes. Nous envisageons surtout des événements qui élargiront nos interactions avec les fans. Et enfin, le Kyoto Shimbun demande quelle est la stratégie commerciale pour le marché étranger. Et donc le président de Nintendo répond, nous pensons que l'Asie se développera encore dans un avenir proche. À cet égard, il y a des opportunités à saisir, notamment sur le marché chinois. Les jeux sur smartphone y sont maintenant monnaie courante. Nous ne sommes donc pas focalisés sur la nécessité d'y proposer des consoles de jeux spécifiques. Nous voulons simplement nous développer de la meilleure manière possible. Autrement dit, à fond les ballons sur le smartphone. Encore merci à Nintendo Différence pour cette traduction. Vraiment, donc là, le président aussi de Nintendo, on en avait parlé, je crois, il y a une semaine dans l'émission, avait également déclaré, c'est un article que je vous avais traduit d'ailleurs, il me semble, enfin bref, avait déclaré qu'il voulait aussi absolument étendre la marque Nintendo, propager les personnages de l'univers Nintendo en dehors de la sphère purement vidéoludique. Vous savez qu'il y a un film Mario qui est en préparation chez Illumination Studio, un studio que j'aime beaucoup, et je pense qu'ils vont faire vraiment quelque chose, je pense, de très qualitatif, voilà. C'est sûr que de toute façon, c'est bien mieux engagé que ce qui va nous tomber sur le rable avec Sonic. Bref, ce nouveau président, moi j'ai l'impression qu'il est quand même énergique. Il veut vraiment pousser Nintendo encore plus loin. le faire sortir de sa zone de confort, puisqu'il a visiblement une stratégie visant le moyen et surtout le long terme. Donc ça, c'est, je pense, positif. Donc attendons de voir ce qui va se passer. Concernant ma petite pique tout à l'heure sur ceux qui se sont vraiment gargarisés avec cette histoire d'Apple et Nintendo, bien évidemment, je précise, je ne dis pas que c'est impossible, hein, puisque ça se base vraiment sur un article très sérieux. Mais enfin, rien vraiment n'est fait pour le moment. Ça me paraît peu probable, même si, qui sait, tout peut arriver. Hein, qui, si vous êtes à peu près un vieux gamer rabougri comme moi, qui aurait pu imaginer un jour que, par exemple, Sonic et Nintendo vagabonderaient main dans la main joyeusement dans un seul et même jeu ou sur une même console. Donc, tout est possible quelque part. Mais il faut savoir raison garder, n'est-ce pas? Et avant de crier de joie ou d'effroi, attendons un petit peu quand même de voir ce qui va se passer. J'aimerais, comme chaque vendredi avant de nous quitter, remercier les tipeurs. Vous savez, donc j'en parle en début de l'émission, je ne vais pas vous refaire une tartine là-dessus. Il y a le Tipeee, le lien dans la description de l'émission. Hein, vous tapez Revue de Presse JV Tipeee, vous tombez tout de suite dessus. Hein. Même si vous googlisez ça, c'est assez rapide. On a vraiment besoin de vous, voilà, pour monter l'émission toujours plus haut, toujours plus fort. Il y a des chouettes bonus, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure, les revues de presse rétro, la possibilité de participer à la grande revue de presse JV. Natacha, donc, qui monte également l'émission, qui va s'occuper des concours, qui va chapeauter un peu tout ça, prépare aussi un porte-clés, donc qui sera un goodies, hein, pour les tipeurs. Pas mal de choses sont en train de se faire. Et donc, j'aimerais remercier ceux qui soutiennent l'émission. Je vous remercie vraiment grandement. Donc, merci à toi, Mopral, qui est également le maître des clés, le maître du Discord et un participant régulier de la grande revue de presse JV. Merci à Laure, merci pour ton soutien. Merci à Guillaume, merci à Gérald, un tipeur nouveau, récent. Bienvenue dans la famille. Merci à Julian, HXC, Tulkas, Space Cowboy, à Bertrand Amar, quel honneur de l'avoir en tant que tipeur. Bravo Bertrand et bravo aussi pour le premier anniversaire de ES1. Merci Denis Jeep, bravo Cédric, bravo Lina Nounette, hein, notre présentatrice star maintenant, hein, de la grande revue de presse JV. Bravo à Gouligou, bravo à Pikachu, merci à AHL9, merci à Nicolas, merci à Yvan, MachinTruc76 qui participe aussi un pilier, hein, de la grande revue de presse JV. Merci à Mike, Vanifraise, Xzini, Carnoct, qui a participé à la dernière grande revue de presse JV, vous verrez. Merci à Laurent, Melkioc, Lutherian, Azas, Loacone, Evolix, Nassara, Forza Pedro, JP Madère, Fabien et Monsieur A. Merci à vous tous, merci de votre fidélité. Quant à moi, bah, je vous dis à ce week-end, hein, probablement, enfin peut-être samedi, mais très certainement dimanche, hein, donc pour la grande revue de presse JV, on va vous parler vraiment de nos jeux de 2018, nos déceptions, dans la joie et dans la bonne humeur, et toujours avec le respect de la personne humaine, vous nous connaissez. On se retrouve sinon lundi, bien sûr, pour attaquer une nouvelle semaine avec vous. Vous le savez, l'émission est disponible partout, hein, je vais pas répéter toute la liste, enfin, Spotify, Deezer, iTunes, bref, on est partout. N'hésitez pas à partager un maximum, c'est super important. Des petites étoiles sur iTunes, ça fait aussi plaisir. Gros béco, mes amitiés, mes respects, et donc à très très vite. Allez, bye bye.